Cette route change de statut à partir du panneau. Il indique que maintenant cette route devient une route à accès réglementé, c'est-à-dire que les cycles et cyclomoteurs, ainsi que les tracteurs, n'ont pas le droit de l'utiliser. Ces usagers ont été déviés vers une autre route à l'intersection précédente. Pour la vitesse, ce panneau n'a pas de valeur en lui-même. C'est la configuration des lieux qui indique la vitesse maximale autorisée. Si la chaussée est à sens unique, c'est 110 km/h maxi. Si ce n'est pas le cas, c'est 90 km/h. Ici, la route est à double sens, donc 90 km/h maximum. Réponse A.